C'est fou de la scène émergente. Le plan aujourd'hui à Assemblage requis. Simon Fitzbé nous raconte une belle histoire d'amour dans sa chronique Police Dead. Et aussi, les Incos viennent nous annoncer leur grande nouvelle. Mais qu'est-ce que c'est? Aucune idée. Assemblage requis maintenant. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis, l'émission du retour en pièces détachées sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. Salut Mathieu Plante. Salut Kiwan, pas de mon famille. Ça va bien? Ça va bien toi? Ben oui. On s'est pas vraiment parlé depuis la fin des palmarès tantôt, là. On était là pour faire chacun nos affaires, là. On se parle pas, toi et moi, Caroline. Ouais, toi, je pense que tu faisais des muffins, c'est ça? Ouais, ben c'est ça. Ben, tu sais, il faut bien faire de quoi pendant ces palmarès-là, à un moment donné. Ça va être bon. Aujourd'hui, le plan n'inclut pas que des recettes. On va peut-être en avoir une couple, là, mais bon. On promet rien. On va voir Simon Fitzbé qui va nous raconter l'histoire d'amour entre Courtney Love et Kurt Cobain. Je crois qu'amour est un petit peu sarcastique, peut-être, un peu. On verra. Je sais pas, aucune idée. Ça, c'est dans la chronique Police Dead, c'est aux alentours de 15h30 et vers la fin de l'émission. On va avoir, comme à tous les mercredis, la visite des incorrigibles ou une partie où on sait pas trop, en tout cas. C'est jamais la même personne qui se pointe. On sait jamais à quoi s'attendre avec eux. Non, c'est ça. Il n'y a jamais eu la même configuration deux semaines de suite. C'est soit un, soit deux, soit trois. C'est un périmètre, une périphétie, une périmétrie variable, géométrie variable. Géométrie variable. C'est ça que je cherchais. Donc, en tout cas, peu importe qui seront là, mais on va apprendre une grande nouvelle sur les incorrigibles. C'est ce qu'ils nous ont promis la semaine dernière. On a très, très hâte d'entendre parler. Et encore une fois, aujourd'hui, on a encore des billets pour une conférence horticole qui a lieu... Ce soir, exactement. Donc, ce sera tout à l'heure. Bon, mais avant ça, on commence en musique. Oui, avec le groupe Orange Orange et la pièce « Je suis le héros » à Assemblage requis. Oh, 89.1 FM. La radio a plus de surprises. Mais il n'y a pas de retard de City, par exemple. Je déteste les retards de City. Et tu te demandes être le héros ou suivre le héros. Être le héros ou suivre le héros. Eh bien moi, oh oui, je le suis. Je suis le héros. Je suis le héros. Entendre le groupe EXA avec la pièce ce soir, c'est, je crois que c'est la première fois que EXA, le groupe EXA joue ici à C'est Fou. C'est un groupe que j'avais sur mes amis MySpace depuis je sais pas quand au juste, je me rappelle pas de quand j'ai découvert ce groupe-là, mais là j'ai vu qu'ils avaient sorti cette nouvelle pièce-là, ils ont mis ça dans leur fil de nouvelles. Qui venait d'ajouter la pièce ce soir à leur page MySpace. Et c'est la seule chanson francophone du groupe parce que c'est un groupe new-yorkais basé à Brooklyn, à New York. Et voilà la pièce ce soir de EXA, c'était très bon. Oui, c'était très bon, exactement. Exactement, Pierre. Exactement, bien sûr, Jacques. Et il y a une autre pièce qui s'appelle ce soir qui est dans les palmarès. Ben oui, drôle de hasard, c'est justement ce qu'on va entendre juste là. C'est comme un genre de bloc thématique. Presque, hein? Y a-t-il là, pensé à d'autres affaires qui ont ce soir? On fait pas ça, nous autres, des blocs thématiques. Ce Jamais. Soir, on joue avec. Tu te rappelles pas? C'était qui jouait là-dedans? À Radio-Can, une sorte de sketch. Hein? Avec Martin Drainville. Non. Voilà, bon, ils connaissent. Clava. Winter's cold is too much to handle. Pinch of crabs, a pinch at your sandals. In December, drinking horchata, look down your glasses at that aranciada. With lips and teeth to ask how my day went, boots and fists to pound on the pavement. Here comes a feeling you thought you'd forgotten, just to sit on sidewalks. You'd still enjoy it with your foot on the side. Horchata de Vampire Weekend à Assemblage Requis. Oui, juste avant, on avait entendu Mono Grenade avec la pièce Ce Soir. Oui, Tonight. Tonight. Pendant ce soir, ben, l'émission continue jusqu'à presque le soir, mais c'est comme en fin d'après-midi. C'est comme, c'est pas vraiment 17h, c'est pas vraiment la fin de l'après-midi, c'est pas vraiment le début de la soirée, c'est comme un genre de souper, mettons. Mais il fait clair maintenant, quand on finit l'émission, quand on sort à 17h, depuis quelques jours, semaines, il fait encore un peu clair. On s'en rend compte, là. C'est vraiment la période où on commence à se rendre compte qu'il fait encore clair à ces heures-là, c'est bizarre. Hein? Hein? Ça s'en vient l'été, hein? Ben oui, c'est pas du tout dans plusieurs mois, ça, il y aura pas encore plusieurs tempêtes sûrement d'ici là, hein? C'est, non. Faut pas déprimer, faut penser positif! Bon. Ouais. Dans une dizaine de minutes environ, Simon Fidieu va être avec nous pour nous parler en cette semaine pré-Saint-Valentin de la relation entre Kurt Cobain et Courtney Love. Donc c'est dans une dizaine de minutes environ la chronique Paul is Dead. D'ici là, on a encore le temps d'écouter quelques bonnes pièces. Qu'est-ce que t'en dis? Je dirais de la bonne music. Because music makes the people come together, comme ils disent. Hein? Ils disent ça? Je pense qu'ils disent ça. Ouais. Tantôt, on parlera de plein d'autres choses, mais là, je pense qu'on va entendre du Beach House. Ça te tente-tu d'entendre du Beach House? Beach House, oui. C'est une bonne idée. Tout le monde parle de Beach House, puis tu sais, il me semble que j'en entends pas assez du Beach House. T'as-tu une pièce préférée ou? Pas vraiment. On va entendre Norway, ben. Norway? Ouais. Norway. Le bon vieux classique. C'est ça. Parce qu'on la connaît. C'est ça. C'est ça. C'est ça. T'sais, paraît-tu une même, tu sais. C'est à assemblage requis. Je pense pas du tout pour trouver d'autres pièces que celles qu'on a déjà faites jouer. La méthode facile. Mais là, tu m'as pas demandé, moi, laquelle je veux entendre. Est-ce que tu veux? Non, je te demande, qu'est-ce que tu veux entendre? Mes Zebra. Ça, c'est du professionnalisme. Zebra de Beach House. Yo, Beach. Yo, Beach. C'est comme si je t'avais traité de Beach. La plage. Ouais. Thank you. les fêtes de feu. Maken Kosapo avec la pièce Orgasme, c'est ce qu'on vient d'entendre. Et Maken Kosapo, Mathieu. Q1. On a ajouté quelques pièces récemment à leur MySpace, des pièces qui ne sont pas sur cet album-là, qui s'appelle Le Zèbre. Oui, Le Zèbre commence à dater quand même 2008. Oui, c'est ça. Puis ils ont ajouté quelques pièces sur leur MySpace récemment, des nouvelles pièces, ils en ont ajouté deux. Et aussi, ils commencent à faire des spectacles là, dans le mois de février et début mars, quelques spectacles d'annoncés à Montréal. Donc, ça commence peut-être à sentir le nouvel album pour Maken Kosapo, hein, quand tu commences à sortir de nouvelles pièces et à faire des spectacles ou sûrement pour roder ces nouvelles pièces-là. Donc, j'imagine qu'au cours de l'année 2010, on devrait avoir un nouvel album de Maken Kosapo. Et dans les dates annoncées prochainement, là, dans les spectacles, il y en a un le 21 février, entre autres, c'est avec For Those About to Love. Ah! Des anciens membres de Dears. Ah! Donc, ça peut quand même faire un bon duo de spectacles, ça, mais c'est du côté de Montréal. Un bon troupeau. Exact. Troupeau, parce que je voulais faire mon lien avec Le Zeb. L'album de Maken Kosapo s'appelait Le Zeb, puis avant ça, on a entendu la pièce Zebra de Beach House. C'était écœurant. Je pensais que j'avais réussi à ne pas te laisser de place pour faire ton lien, mais non, t'es quand même très fort, t'as réussi à la ramener. J'ai pas le choix, là. Avec un si beau lien comme ça, j'avais pas le choix. Avec de si belles textures zébrées, faut en profiter. Bon. Hey, parlant de spectacle, il y en a un qui s'en vient pas mal plus proche d'ici, en lieu, en distance et en temps. Ce soir, à Trois-Rivières, ici au Zénob, c'est le groupe Château. Le groupe Château qu'on ne connaît pas tant, toi puis moi. Hein? Non, pas tant que ça. Et pourtant, l'automne dernier, dans un petit sondage vraiment informel réalisé par la firme Kevin Laforêt et Laforêt. non, c'est Kevin Laforêt, journaliste d'Ivoire. Il a fait un petit sondage comme ça parmi quelques intervenants du milieu culturel à Trois-Rivières. Et le groupe Château a été nommé le deuxième groupe le plus meilleur de la Mauricie. Et je trouve que c'est un groupe qu'on connaît malgré tout pas beaucoup, entre autres nous deux, là, mais en général, à Trois-Rivières, on n'en entend pas énormément parler. Mais ce soir, ils vont être en spectacle Closing Up, donc c'est vraiment l'occasion idéale pour découvrir ce groupe-là dans l'ambiance, dans l'atmosphère très intime du Zenab. Ils vont être entre autres avec le groupe Bonjour Afrique, qui vient de la France, mais qui chante en anglais. Il y a des zèbres, je pense, là-bas. En France, oui, il y en a partout. Là. C'est la jungle. Comme le milieu des zèbres. Donc, c'est ça. Bonjour Afrique et Dancing with Light, deux groupes qui vont être avec Château ce soir au Café Bar Le Zenob sur la rue Bonaventure ici à Trois-Rivières. Ça coûte seulement 5 billes pour les trois groupes. Et on écoute, on va écouter une pièce de Château. Leur pièce qui s'appelle aussi Château. OK. C'est magistral. Dans notre royaume qu'on appelle Assemblage Bucky. 89 FM. Et sa majesté qui won, et le fou du roi. The ashes from the sky came over, the spirits of the forest. Just to write something for us, cats and stones, and not at all stories. And not at all stories. Sound that made him go back on. This is the sound that made him go back on. This is the sound that made him go back on. This is the sound. This is the sound that made him go back home. This is the sound that made him go back home. This is the sound that made him go back home. This is the sound that made him go back home. This is the sound that makes you go back. 89.1. La bonne musique dans tout temps! Vous écoutez Kiwan et Mathieu, Assemblage Requis. Bonjour, vous êtes toujours à Assemblage Requis, l'émission du retour en pièces détachées avec Kiwan et Mathieu. Mm-hmm. Qui sont plus seuls maintenant, puisqu'on accueille Simon Fitzbay. Ben oui, une fois de temps en temps, on accueille Simon Fitzbay, ça connaît pas les dettes. On claque pas à la porte de même live, de même, là, c'est pas poli. Refais-le, ça va être drôle. T'es en onde. Mais oui. Patrick Laperrière, célèbre et tellement viril, qui arrive en studio comme ça et claque la porte. Et puis, dans le fond, ce qu'il ne sait pas, Patrick Laperrière, c'est qu'on va passer comme une demi-heure à parler Simon, Kiwan et moi. Donc, il n'y aura même pas un mot à dire là-dedans. Ça va être super la fun pour lui. Ah! Dans ta face! Non, mais tu sais, il faudrait qu'on ait un échantillonnage de portes qui s'ouvrent et qui se ferment quand on reçoit du Nouveau Monde. C'est impromptu comme ça. Comme parce que sur, la porte a fermé, mais on l'a peut-être pas entendu à la maison. Sur AOL, hein, dans le temps, là, le chat, là, AOL Instant Messenger, là, c'était ça quand quelqu'un arrivait online, c'était la porte qui s'ouvrait puis la porte qui se claquait quand il s'en allait. Ah, c'était ouais. Chic au bout. Un peu comme sur ICQ où t'avais des grenouilles puis des. ICQ. C'était tellement. Ça existe ça encore? Il y a encore du monde qui utilise ICQ? Il y a des pays où MSN n'est pas le plus populaire. Places où c'est encore, et ouais, il y a des places où c'est encore ICQ, donc c'est yougabagaba, genre au Japon. C'est incroyable. Vrai? C'est vrai, c'est incroyable, les cultures sont tellement variées et différentes, un peu comme, comme les sortes d'amour, on pourrait dire. Oui. C'était pas un beau lien vers le sujet de la semaine, ça? Ah, justement, tu sais, c'est la semaine de la Saint-Valentin, j'ai failli vous faire venir une rose par un cupidon aujourd'hui, les gars. T'aurais dû. Ben, j'avais peur que vous soyez mal à l'aise ou que vous imaginiez des affaires. Nous, mal à l'aise et s'imaginer des choses, jamais. Jamais. Mmh. Ben, tant mieux, avoir su. Peut-être l'année prochaine. Est-ce que t'as parlé que c'est la semaine de la santé affective et sexuelle à l'UQTR? Non, je savais pas ça. On en parlera tantôt. Ouais. Ça va t'intéresser, ça, je suis sûr. Oui, moi, la santé affective et sexuelle, c'est... C'est une lacune pour toi. Ça n'existe pas. Toi et ta main, vous êtes vraiment un très beau couple. Ouais, c'était une blague. Je l'aime. Bijou. Ouais. Donc... Courtney Love et Kurt Cobain. Courtney Love et Kurt Cobain, quel beau lien. Hein? Eux, justement, il y a un problème, la santé affective et sexuelle, ces deux personnes-là. Léger problème, hein? Oui, quand même. Et donc, effectivement, certaines relations amoureuses se déroulent parfois très mal. Hein? Vous ne vous ferez pas savoir. Il arrive parfois... Non, mais... Non, fais-nous le pas savoir. Ouais, c'est ça, exactement. Il arrive parfois qu'on se retrouve au sein d'une relation au rapport dominant-dominé qui n'est pas vraiment souhaitable la plupart des groupes. Que ce soit la femme ou l'homme qui se retrouve dans cette position-là, ça fait pas vraiment de différence. Il reste que ces relations sont pas vraiment idéales pour la longue vie, le bonheur d'un couple, n'est-ce pas? Ben non. N'est-ce pas, monsieur des écoles-jupes, qui a pas de micro? Écoute. Ah, ben fort. Ah, écoute! C'est super. Ah, c'est bon, parfait. Du même chef, on retrouve souvent dans l'univers du rock'n'roll des personnes qui sont prêtes à tout pour devenir célèbres et d'autres qui le deviennent malgré eux. Ces deux rapports-là face à la célébrité sont bien représentés dans le couple que nous allons voir aujourd'hui. Ce couple-là, dont une veut être célèbre à tout prix, et l'autre qui, en fait, aurait voulu redevenir un simple musicien underground de Seattle, ce qu'il faisait plutôt lorsqu'il a rencontré sa douce. C'est une chronique, donc, aujourd'hui, qui est à propos d'un amour maudit, un couple condamné à l'histoire. Voici Kurt et Courtney. Donc, on commence par un petit profil de nos deux protagonistes. Donc, Courtney Love, qui est née Courtney Michelle Harrison, qui est une fille adoptée dès sa naissance, qui, d'ailleurs, serait la petite-fille de Marlon Brando. Ah oui, pour vrai. Sa mère biologique était une écrivaine de livres pour enfants. Elle l'a donnée à l'adoption lorsqu'elle est née. Et ses deux parents, donc, en fait, elle l'a appris sous le tard, là, vraiment, il y a quelques années à peine. Et donc, elle a toujours une soif de célébrité. Dès qu'elle a atteint l'adolescence, elle voulait devenir quelqu'un de connu. Et elle a été d'abord danseuse nue dans des bars de l'Alaska pour ensuite devenir actrice de série B. Elle a tenu d'ailleurs un petit rôle dans le film Sid and Nancy. D'ailleurs, l'histoire dont on parlait la semaine dernière, il y avait eu un film qui a été dérivé de ça. Et elle a tenu un petit rôle donc secondaire, mais elle voulait décrocher bien sûr le premier rôle, le rôle de Nancy Sprungen. Je ne me suis pas pratiqué cette semaine pour son nom, mais tu sais, je n'étais pas supposé le dire. Et finalement, elle s'est concentrée sur une carrière dans le monde de la musique. Elle a tout fait pour être découverte. Et elle forme plusieurs groupes de punk music, mais à la fin, donc oui, de la punk music à la fin des années 80, dis-je. Et on coupera ça au montage. Bien sûr. Je fais beaucoup ça des... Bien sûr, aujourd'hui. Hein, ouais. Ça aussi, on va couper ça. Il n'y a ça plus grand-chose. Elle forme plusieurs groupes, comme je disais, de punk à la fin des années 80. Elle a été chanteuse, entre autres, de la formation Faith No More, qui a connu quand même un succès assez respectable dans les années 80-90. Mais elle a été chanteuse, en fait, pendant une période de quelques jours, puisque le claviériste Roddy Bottum, et c'est son nom, explique que le renvoi de Courtney Love était causé parce que le groupe était démocratique et que Courtney avait la grosse tête et elle voulait tout diriger. Donc, ils l'ont mis dehors du groupe assez rapidement. Du même chef, elle s'improvisait également agente d'artiste pour ses petits copains, un chanteur dans les groupes hardcore de la région de Seattle. Elle leur disait quoi faire, comment s'habiller, comment bouger. Elle n'hésitait pas à les critiquer très amèrement en ayant même recours à la violence. Et donc, finalement, elle essayait également de se faire des amis avec plusieurs musiciens, dont Billy Corgan des Smashing Pumpkins, qui est un de ses amis, et Michael Stipe, chanteur de R.E.M., qui est toujours son ami aujourd'hui. Et ce qui aurait pu l'aider dans sa carrière à cette époque-là. Mais la rencontre la plus flamboyante, la plus importante de sa vie va venir un petit peu plus tard. Pour le moment, on va parler de Kurt Cobain, qui est, lui, au contraire de Courtney Love, un garçon tranquille. Il venait d'une famille dysfonctionnelle et il n'a pas nécessairement été élevé dans le milieu le plus idéal pour développer une vie stable. Lorsqu'il avait 9 ans, sa mère a pris une arme à feu et l'a pointé sur le front de son père puisqu'il y avait un problème d'adultère dans la famille. Le lendemain, Kurt a pris toutes les armes de la maison et s'empresse à les vendre pour s'acheter sa première guitare. Donc voilà, il a transformé un négatif en positif quand même. C'était la phrase que j'ai dit. Pris dans ce qu'il voyait comme le pire trou du monde, la ville de bûcheron d'Aberdeen, en banlieue de Seattle. Il vivait seul avec son père qui s'était séparé de sa mère avec le temps. Cobain a fait plusieurs fugues alors qu'il était adolescent. Et c'est d'ailleurs sous un pont d'Aberdeen, alors qu'il était en fuite, qu'il fait la connaissance de Chris Novoselic, avec qui il formera plus tard Nirvana. Kurt développe une fascination pour les groupes underground de Seattle, son groupe préféré étant les Melvins, groupe de la région qui le fascine. Melvin et les Chipmunks, bien sûr. Ben oui. Ben oui. Ben non. Ben Mathieu, non. Excuse-moi. Hey. Manque de respect. Ben non, c'est pas un manque de respect. J'ai une haine tellement contre les Chipmunks, parce que j'entends Alvin, Melvin, quelque chose qui sonne comme ça. Pas capable de parler. Les Chipmunks, il y a eu des films de fait de ça. Hein. Ah, ça a pas d'allure, hein. Ils ont fait des films. Pareil que John Lajoie a été demandé pour jouer dans le deuxième, puis il a dit non. Tant mieux pour lui. Ouais. Bonne personne, ça. Ouais. On l'espère, malgré les insanités qui sortent de sa bouche. Tout à fait. Et tu sais, c'est comme Key One, c'est une bonne personne, mais il dit des insanités pareilles. Hein? Hors d'onde. On y en veut pas. Des fois en onde aussi. Ouais. On parlait de quoi déjà? On parlait de Kurt Cobain, oui, et sa fascination pour les Melvins. C'est un groupe underground de Seattle, un groupe hardcore, proto-grunge, si on veut. On veut mettre une étiquette précise là-dessus. Proto-grunge, ça veut dire avant que ça arrive. Ah, mais c'est comme du post, mais c'est le contraire. C'est comme les Stooges de Iggy Pop qui faisaient du proto-punk. Les Stooges qui se tapaient ça à la tête avec des massues. Non, pas c'est les mêmes Stooges. J'ai pas les mêmes références que toi du tout. Hein. Ben non, mais je les comprends quand même, mais c'est vrai que c'est pas les mêmes références. Effectivement. Donc, il y avait une fascination pour les Melvins et ils forment le groupe Fecal Matters. As-tu une joke à faire là-dessus? Non. pas en ce moment. Là. Je dirais que j'ai pas encore digéré tout. Fecal Matters, qui deviendra Nirvana quelques temps plus tard. Bien sûr, question de nom, fallait qu'il soit au moins respectable un peu au niveau du nom de son groupe. Et donc, à la fin de 1987, le groupe devient Nirvana. Il enregistre son premier album, Bleach, en 1989, en moins de 24 heures, avec $600 en poche. Et le groupe un peu de succès dans les radios universitaires et dans la région de Seattle en général, ce qui faisait le plaisir, ce qui satisfaisait pleinement Kurt Cobain. Et donc, Courtney Love, qui l'aperçoit lors d'un concert de Nirvana en 1989, va lui parler pour mieux le connaître, bien sûr, et elle tombe instantanément amoureuse de lui, un crush amoureux. C'était le coup de foudre pour elle. Cobain, par contre, se cherchait pas vraiment de petite amie, donc il a ignoré Love pendant pas mal de temps, mais elle s'est obstinée à le suivre, à l'idolâtrer un peu partout où il allait. Il se compte finalement entre 1990-91. On n'a pas la date précise, mais je pense pas que ça soit vraiment le but ici. Et un des liens forts de ce couple-là, c'est l'héroïne. Ils consommaient ça à forte dose. Et mais ce qui est bizarre ici, et ce qui est à souligner, c'est que Courtney Love est tombé en amour d'un type qui allait devenir non seulement le chanteur de la formation, d'une des formations les plus connues des années 90 au niveau de la musique, mais un des derniers groupes de rock'n'roll classique qu'on a connu. Et donc, c'est peut-être une obstination qui pourrait justement venir corroborer avec ceux qui disent que c'est une femme qui a la soif de la célébrité, puisqu'elle a commencé donc à sortir sérieusement avec Kurt Cobain en 1991, à peu près en même temps que lorsque l'album Nevermind a paru sur les marchés, qui est devenu un des albums, sinon l'album des années 90. Selon plusieurs personnes, l'album qui a vendu à des millions et millions d'exemplaires est devenu riche instantanément et célèbre instantanément. Et donc, Love découvre qu'elle est enceinte de Kurt Cobain en 1992 et les deux se marient en février de la même année. Donc, c'est pratiquement comme aujourd'hui, mais il y a 18 ans. Et quelques mois plus tard, Frances Bean Cobain vient au monde. À ce moment précis, Courtney Love n'est pas encore une célébrité et encore moins une star du rock, mais elle accorde quand même des entrevues à des prestigieux magazines comme Vanity Fair et n'hésite pas à se faire interviewer à la place de son mari. Même si, dans le fond, elle avait juste eu deux ou trois rôles dans des films puis quelques groupes qui n'étaient pas encore connus. Mmh. Mais en même temps, lui, j'imagine qu'il essaie de faire son affaire aussi vu qu'il tripait pas tant sur le végétariat. Effectivement. Et c'est justement un peu où je veux en venir, c'est que Courtney était en fait très, très contrôlante et elle avait une gueule franchement forte. Elle avait pas de misère à parler à quelqu'un, dire ses quatre vérités dans le visage, frapper les gens, était violente, était très, très acerbe dans ses commentaires. Et elle voulait, dans le fond, se faire voir. C'est ce qui a aidé, puisque Kurt Cobain, au contraire, lui, aurait bien aimé mieux rester chez eux tranquillement, faire de la musique dans son sous-sol. Je pense qu'il aurait aimé mieux ça que devenir une grosse star comme ça. Et donc, selon plusieurs témoignages, elle aurait abusé justement de l'amour que Cobain lui accordait. Elle lui commandait ouvertement des choses questionnables, comme d'ailleurs, il a laissé un message de menace sur la boîte vocale d'une des ennemies de Courtney Love. En fait, c'était l'ancienne nounou de leur fille qui avait affirmé en fait dans des médias que Courtney Love était drogué lorsque l'enfant était à la maison et c'était un petit bébé là. Et donc elle lui a commandé de l'appeler cette fameuse nounou par téléphone et il disait justement c'est ma blonde qui m'a dit de t'appeler, t'es une Moses. Et si t'arrêtes pas on va être méchant avec toi et on va te faire des choses pas le fun. Et donc, d'ailleurs, évidemment, c'est une traduction libre. Ouais, c'est une traduction libre et très, très censurée de ce qu'il avait dit. D'ailleurs, vous pouvez entendre, par contre, ce fameux message dans le film Cobain and Love. C'est un petit film pas à but non lucratif, mais un film à très, très bas budget qui parle un peu de toute cette relation-là, justement, de Courtney Love et Kurt Cobain, aussi la mort de Kurt Cobain, qui, en fait, accuse Courtney Love d'avoir tué ou fait tuer Kurt Cobain. Mais ça va être la semaine prochaine qu'on va en parler. Et avant de continuer la chronique, je suggère qu'on aille en musique avec une pièce tirée de l'album In Utero de Nirvana, album de 1993, très très bon album, le meilleur album de Nirvana. La pièce est Penny Royalty, qu'on va l'entendre sur les ondes de C'est Fou, 89.1 FM, dans le cadre d'assemblage requis, dans le cadre de Police Dead. C'est ce que j'attendais, oui. OK. Ouais, tu l'as eu. C'est bon. Défi accompli. Bravo. Merci. Un morceau de robot. Moi j'aime les robots. My time with everyone. I have very bad posture. I'm cherry flavored antacids. La pièce Penny Royalty, tirée de l'album In Utero de Nirvana, album de 1993, qui est, selon moi et selon plusieurs, le meilleur album que Nirvana a fait dans sa carrière. Malheureusement, on ne peut pas savoir ce qu'il aurait fait par la suite à cause de la mort de Kurt Cobain, bien sûr. Ce qui a amené une blague, en fait, puis en plus, ça a rapport avec notre sujet, je viens de penser à ça, une blague que les gars de Family Guy ont fait il y a quelques années. Ils disaient, imaginez ce que Kurt Cobain aurait fait s'il n'aurait pas lâché, donc lâché la vie, là. Et c'était un Kurt Cobain qui était en 2005, qui prenait plus de drogue, qui était rendu à son 8e album solo. Et il présentait donc à sa troupe, dans son entourage, dans le fond, sa copine. Et il disait, bon, vous vous rappelez de ma femme Courtney Love? Et tout le monde disait, qui? Qui? C'est qui ça? Parce que justement, on parle dans le cadre de Paul is Dead, dans le cadre d'Assemblage Requis, dans le cadre de C'est fou 89.1 FM. Dans le cadre de l'UQTR. Dans le cadre de l'UQTR, de Trois-Rivières, du Québec. En tout cas, on parle de, bien sûr, l'amour de Kurt Cobain et Courtney Love. Oui, c'est ça. Je pensais que j'avais dit Courtney Cobain et Kurt Love, mais non. Je ne me suis pas trompé. Can't buy me love, etc. Oui. On parle d'eux autres aujourd'hui, ce fameux amour donc de la fille qui veut tout pour être célèbre, qui est prête à tout faire. La Paris Hilton du moment. Oui, ouais, exactement. Ben, dans un sens, oui, c'est la Paris Hilton de ce temps-là, puisque c'était une mode aussi qui était beaucoup plus axée sur la pauvreté, sur le trash, puisque les jeunes étaient très pauvres à cette époque-là. Donc, ils se développaient vraiment une mentalité plus crasse, si on veut. Et Courtney Love est un peu la Paris Hilton crasseuse de l'époque. J'aime ça l'insulter, je la déteste, madame-là, là, pour plein de raisons. Et Courtney Love, comme je le disais, qui n'était pas encore connue en 1992-93, en fait, elle était connue pour être la femme de Kurt Cobain, mais pas vraiment pour grand-chose d'autre à cette époque-là. Elle donnait des entrevues, des choses comme ça. Et ça donne, bizarrement, que son premier album avec son groupe Hole a paru en 1994, lorsque Kurt Cobain a décédé. Bizarrement, une belle campagne de pub pour elle, tu sais, qui partait en tournée, en fait, quelques temps après la mort de son mari. Bien sûr, ça a été repoussé un petit peu, mais quand même, c'est bizarrement arrivé. Donc Courtney Love qui a connu beaucoup de succès lorsque Kurt Cobain est décédé. Et parlant du décès de Kurt Cobain, on va en parler la semaine prochaine. Ça va être le sujet de ma chronique, en fait, puisque c'est un gros sujet très lourd. Donc on va faire un 4 heures de ça. Ah, on défonce. Ouais, on va défoncer. Ça sera pas un 4 heures, mais quand même on va en parler amplement la semaine prochaine. Donc je vais juste faire un survol de sa mort. Il est décédé le 8 avril 1994, Kurt Cobain, et Courtney Love, comme je disais, qui a connu beaucoup plus de succès par la suite, entre autres non seulement en musique, mais également au cinéma, avec le film The America Against Larry Flint, où elle obtient le rôle principal de ce film-là, en fait le rôle féminin principal de la petite copine de Larry Flint, qui était, comme on sait, le magnat derrière Hustler, le fameux magazine de Madame, pas trop habillé. Et donc, elle joue un rôle là-dedans et elle a aussi décroché plusieurs rôles par la suite et elle s'est fait connaître. Entre autres, elle a eu des chirurgies, elle a lâché la drogue, elle est devenue pendant un certain temps une bonne mère, par la suite une mauvaise mère, par certains temps une bonne mère, par la suite une mauvaise mère, mais quand même, elle est restée toujours célèbre. Et elle est aussi chanceuse, puis ça va avec le temps. De nos jours, en fait, depuis une dizaine d'années, t'es plus obligé de faire grand-chose pour être célèbre. Maintenant, une fois que tu t'as fait une chose, t'es célèbre pour le restant de tes jours. Et c'est en fait ce que Courtney Love est devenue dans un certain sens. Elle a sorti quelques albums pendant les années 2000, mais elle a pas vraiment fait quelque chose de concret qui vaut sa célébrité qu'elle a maintenant. autre que s'être montré la poitrine au show de David Letterman, de Late Show. Avec David Letterman, elle avait monté sur le bureau, elle avait levé son chandail, elle portait rien. Et donc, elle a montré ses attributs. Et elle l'a fait le même soir dans un restaurant pour un gars qui... Juste comme ça, là. Il a dit « Hey, tu peux-tu refaire ce que t'as fait à la TV? » Et voilà, okay. C'était fait. Et donc, Courtney Love, qui quand même est légèrement dérangé depuis quelques années. Depuis, en fait, la mort de Kurt Cobain, ça a été comme une spirale descendante, en fait. C'est très dommage. Et donc, elle a toujours tout fait pour avoir la célébrité. Elle l'a eu un peu grâce à son mari et surtout le décès de son mari, malheureusement. Et Kurt Cobain aussi, comme je le disais, lui, ne cherchait pas vraiment la célébrité. C'est un peu ce qui lui pesait un petit peu avant sa mort, même de 1993 à aller jusqu'à début 94. Kurt Cobain n'était pas content avec son argent, n'était pas content avec sa vie, et il songeait même à quitter Courtney Love un peu avant son décès. Entre autres, dans la pièce, je suis vraiment déçu, je voulais vous emmener un CD avec une pièce qui est la dernière pièce qui a été sortie Nirvana, You Know You're Right, qui est sortie peut-être 10 ans après la mort de Kurt Cobain, où il dit dans ce texte-là, She only wants to love herself, donc elle veut seulement s'aimer elle-même, et c'est une critique donc de cet amour propre, cet amour très grand, cet égoïsme de Courtney Love que Kurt Cobain avait ressenti, et bizarrement ou malheureusement, il est décédé à peu près dans le même moment. Donc il n'a jamais laissé Courtney Love, ce qui en fait a donné à cette femme un très très gros héritage qu'elle a disputé pendant longtemps avec les membres de Nirvana aussi, qui eux voulaient leur part du gâteau, non pas pour faire de l'argent, mais en fait leur juste part, leur 33% de droits qui leur revenaient à chaque album, qu'ils ont pratiquement jamais eu. Et aussi, ils n'avaient aucun droit pour aucune chanson, pour ce qui est des rééditions, les choses comme ça. Tout appartient à Courtney Love. Donc, elle peut vivre une très bonne vie là-dessus. Et d'ailleurs, sa fille, Kurt Cobain et Courtney Love, leur fille, Frances Bean, a commencé à enregistrer des chansons pour sortir un album également. Mais malheureusement, elle est devenue un genre de Paris Hilton. Ah. C'est un peu dommage. Surtout en connaissant le père qu'elle a eu. C'est elle, dans le fond, elle a même pas besoin de faire une chose avant d'être célèbre. Juste exister, ça assure déjà un certain védétariat. Oui, okay. C'est incroyable. Vous irez voir des photos de cette fille-là, Frances Bean. Je pense qu'elle a 16 ou 17 ans maintenant et elle ressemble à Kurt Cobain comme deux gouttes d'eau, avec une goutte de Courtney Love en quelque part, mais elle a les mêmes yeux que son père. La même configuration de visage. Je parle en informatique, configuration. Oui, c'est les pixels de son visage sont parfaitement distribués à l'horizontale. Oui, effectivement. Dans l'axe Y. C'est ça. Mais oui, c'est vrai qu'elle a des yeux assez percutants. Les yeux, oui, c'est les yeux de son père. Kurt Cobain avait des yeux bleus, foudroyants. Et il ressemble beaucoup. D'ailleurs, des photos de comparaison, c'est que vraiment, on voit là, que c'est pareil. Mm. Mais malheureusement, c'est fait corrompre un peu par Hollywood et sa mère. Donc, la soif de célébrité de sa mère a un peu déteint sur la fille, qui aurait très bien pu vivre une carrière à l'ombre, qui a décidé de devenir une célébrité malgré tout. Et c'est un peu où je voulais en venir, justement. Là. La fille qui voulait être célèbre et le gars qui voulait rien savoir. Et c'est ce qui a formé un couple, en fait, quand même assez... assez bizarre, mais c'est la drogue vraiment qu'ils ont retenu ensemble. Lui qui consommait de l'héroïne, Courtney Love qui a arrêté un peu lors de la naissance de sa fille, mais en fait elle avait avoué, même en entrevue, avoir pris de l'héroïne pendant qu'elle était enceinte de Frances Bean, ce qui avait causé une grosse controverse. La cour voulait prendre l'enfant et voilà que Courtney aurait pris de l'héroïne, mais c'est Kurt qui est allé défendre le couple devant les médias et devant les journaux. Comme d'habitude, c'est lui qui prenait le blâme dans le positif et c'est elle qui prenait le bien lorsque c'était pour... Non, c'est lui qui prenait le blâme dans le négatif et c'est elle qui prenait le bien lorsque c'était positif. Quelque chose comme ça. Morale, vive la drogue. Morale, ouais, vive la drogue. Hein? Non, les enfants, ne prenez pas de drogue, c'est mauvais. Say no to drugs, stay in school. Ouais, les winners says no to drugs. Ah, les only blancs. You can prevent forest fires. Smokey the Bear. Ouais, qui dit de non. D'ailleurs, c'est une scène de Bambi hein, qui sert pour ça. Pour vrai. Ouais, je pense. Ouais. Mais là, on s'écarte un peu du sujet. Tu penses? Ouais. Je sais pas. Ben, de toute façon, j'ai pas mal terminé. J'ai pas vraiment de conclusion comme telle, à part que, justement, restez loin des drogues et essayez de pas nécessairement vous entourer de gens qui ont soif de votre célébrité et profitez plutôt de la vôtre. Et si vous voulez pas être célèbre, ben, soyez là juste pas. Voilà. Voilà qui est bien dit. Et en même temps, la semaine prochaine, ça va être un peu le complément ou la suite. Ouais, c'est ça. Ça va être un peu le complément. Si jamais je vois que j'ai oublié quelque chose dans ce que je vous ai parlé, ou tout simplement, on va peut-être plus approfondir, effectivement, parce que je voulais pas vraiment toucher au dossier la mort de Kurt Cobain, comme je le disais, qui est quand même assez lourd. Et on pourrait faire pratiquement une saison juste là-dessus avec les pistes et les choses comme ça. Mais il y a beaucoup de gens qui accusent Courtney Love pour des raisons, justement, de célébrité ou de vouloir monétaire et de célébrité. Voilà. Donc, on en parle la semaine prochaine. Oui. Merci beaucoup, Simon. On va faire ton festival de la plug, comme à chaque semaine. Il te reste une dernière pilule du lendemain, oui, avant que les effets secondaires embarquent et que là, ta personnalité change et que finalement, ça soit « On s'appelle, on déjeune ». On s'appelle « On déjeune ». Tu vas parler de même tout le temps. Tu vas te pogner ton croissant, puis tu vas pèser les pitons, puis tu vas téléphoner dans ton croissant. Ouais. Effectivement. Bon. Donc, ça commence lundi, lundi à 7h. C'est « On s'appelle et on déjeune ». Sinon, il y a les lundis soirs à 18h, Crouch Rock, avec un petit peu de culture rock. Mm-hmm. Il y a le vendredi matin, album classique à 10h, où tu passes un album au grand complet et tu nous parles de ça en long et en large. Allègrement. Il y a tes chroniques carrées aux dates, les jeudis dans le Dîner de con avec Danny Janvier, c'est entre 11h et 13h. Oui. Et bien sûr, tes chroniques pour les Dead ici, les mercredis. C'est voilà. Ça. C'est tout? Ouais, ben... Non, ben, tu peux te forcer oui. un peu. Hein? Ben, ouais, c'est ça. Ben, oui. Je vais peut-être partir à une émission de classique aussi, classique contemporain, puis jazz fusion à m'emmener. Non. Une émission de cuisine aussi, je une pense. Une émission de cuisine à radio, ça devrait être très bon. Alors, vous voyez le résultat. Ça sent très bon. Ça sent très bon. Mmh. On pourrait changer une journée de nom à la place, tu sais. À la place d'être le jeudi, ça pourrait être le jeu Simon. Puis, ben, tu aurais toute la journée. Eh oui. Ben, non, en fait, je fais juste genre. Combien? À peu près 11h30 de radio. C'est pas assez. C'est moins que moi, finalement. Ouais, toi, t'en fais pas mal plus. Ouais. On va avoir une journée, à place d'appeler ça les mardis, on pourrait appeler ça les Mathieu. Les Mathieu, oh! Pas pire, ça. Ouais. C'est la fin de la première heure, un petit peu en retard, comme ça, l'assemblage requis. On remercie encore une fois Simon Fitzbé, merci. 1000 fois. Là. Ça me fait plaisir. 1001 fois. Bon. Dans la deuxième heure, qu'est-ce qu'il y a? Les incorrigibles vont être ici avec des choses à nous apprendre, un défi à relever, des retailles de sty, des graisselles. Il y a toujours un petit goûter. Quand même. Il va avoir son nez de clown aussi. Mais j'imagine. Quelle sorte de goûter tu voudrais qu'elle amène? Du sucre à la crème? On va leur passer la commande pour la semaine prochaine. J'imagine. Des carrés aux Rice Krispies. C'est bon ça. Tant que c'est pas des carrés aux dates, moi, le copyright. C'est ça. Il y a que Simon qui peut amener des carrés aux dates ici. Hey, dans la prochaine heure, allez-vous parler de la semaine de la santé sexuelle? Sexuelle, hein? Oui. Yeah. Donc, sois à l'écoute, Simon. Je pense que je vais rester ici. Alors, reste avec nous, assieds-toi. Pointe-toi une chaise, c'est une bûche. Décor studio, s'il vous plaît, on applaudit le retour d'Assemblage Requis pour une deuxième heure. Merci beaucoup, ça marche toujours quand on fait ça à la radio. Ça sonne le cul total, mais super. Toujours à Assemblage Requis avec Iwan et Mathieu jusqu'à 17h. Le party pogné dans le studio, quoi. Oui, il reste pas tout à fait une heure dans la deuxième heure. Et on va recevoir les incorrigibles dans, je sais pas, une douce quinzaine de minutes. Et d'ici là, il reste encore de la très bonne musique à aller écouter. Oui, un paquet de musique qui va commencer avec la formation History of... C'est dans nos palmarès très récemment, ça. On écoute ça tout de suite à Assemblage Requis. Voici Munition Ships au 89.1 FM. C'est la radio campus de Trois-Rivières. La radio sexy. La pièce Munition Ships de l'album Action in the North Atlantic de la formation A History Of, c'était sur les palmarès de CFU il y a quelques semaines à peine. Et là, ça l'est plus. Mon homme, c'est pareil. C'est le même. Faut que je l'aide encore sur le palmarès pour qu'on joue ça, nous autres. Mais non. Tu sais, avant, quand après, bon. Pendant. Quand c'est bon. When it's good, you play it. Non, si c'est le genre de musique quand même, History Of, qui est pas le son super tendance qu'on entend tout le temps ces temps-ci, mais c'est vraiment très très bon. C'est une petite touche un petit peu old school, un petit peu prog, mais c'est vraiment très très bon. Ça griche, j'aime ça. Moi. Et d'autres choses que tu dois aimer beaucoup, Mathieu, les Doritos. Évidemment. Ah, tu me connais, les Doritos. Minimum 2 sacs dans mes armoires. Par jour? C'est ça. OK. Donc, t'es sûrement au courant donc qu'il y a quelques années, Doritos avait organisé un concours où on pouvait trouver la nouvelle saveur. Ouais, c'est ça. Il y avait un sac avec une saveur quelconque dedans. Là, tu devais participer pour leur dire, bon, c'est quoi leur saveur, c'est quoi ça. Puis je pense qu'à la fin, c'était genre piment foudroyant. Sous le temps, piment quelque chose, le nom de Doritos. Fait que tu peux pas te tromper quand tu dis piment quelque chose, t'sais, finalement. Piment foudroyant, piment éclatant, piment qui te fesse dindin. D'ailleurs, dans les finalistes, il y avait Laurent Sarcouette, là, le gars qui jouait Darandam, puis il avait fait une pub avec le frère à Patricia Paquin. Arrête-moi ça! Ouais. Puis, ça, je me rappelle plus c'était quoi sa saveur, mais en tout cas, les pubs, anyway, ils étaient pas... Je demandais justement récemment qu'est-ce qui était devenu Laurent Sarcouette. Ouais, il a participé au concours, là, mais il n'a pas gagné. Il avait quitté Ramdam, puis il est revenu à Ramdam plus tard parce qu'il n'y avait rien d'autre à faire. Mais est-ce que vous vous rappelez, avant Ramdam, quand il était vraiment beaucoup plus jeune, là, la série Tag, exactement, oui. Il jouait Kev dans Tag. Ouais, Kev. Mais en fait, il a quitté Ramdam pour aller faire une série anglaise, je pense. Ouais, oui. Je pense que Whistler, quelque chose en même. En tout cas, il jouait au Canada anglais. Ouais, sur le snow, genre, là, ouais. C'était hivernal, la série. Ouais, ça, mais ça n'a pas marché. Malheureusement. Non. Mais bref, si on revient un peu aux Doritos, oui, s'il te plaît. Ils organisent un autre concours, un peu la même chose finalement qu'ils avaient déjà fait. Donc, exactement la même chose. C'est ça. Avec c'est plus ça, d'argent. C'est trouver la saveur numéro 2. Donc c'est un peu le même concept et vous pouvez donc faire une pub comme le premier concept le proposait. Donc vous faites comme Antonin. Vous faites exactement comme Antonin Mongeau. Donc, vous faites une pub, vous réalisez, donc vous montez une vidéo, je ne sais pas exactement, là, il y a sûrement plusieurs règlements au niveau de la durée et tout ça, là, mais bref, le but, c'est de faire une publicité pour la nouvelle saveur. Vous avez un choix d'une dizaine de pièces environ de groupes d'artistes canadiens que vous pouvez choisir, dont, entre autres, ben, je peux même toutes les nommer, Faber Drive, The Trues, Fifi Dobson, Breaking Benjamin, Jonathan Pinchot. Ouh! Et il y a une pièce, c'est seulement une pièce que vous pouvez prendre, donc le méchant de Jonathan Pinchot. Il y a aussi Down With Webster, Kamikaze, groupe québécois aussi, et Jet Black Cadillac. Donc vous choisissez une de ces pièces-là pour faire votre pièce. Et ce qui est nouveau de cette année avec le nouveau concours, c'est que vous pouvez gagner 250 000 $. C'est quand même beaucoup pour d'argent. Pour un petit jingle puis une vidéo sur YouTube. C'est ça. Puis votre publicité va être utilisée ensuite pour la campagne de publicité nationale de Doritos. Eh bien... C'est beaucoup d'argent. La période de soumission débute le 14 février. Donc, allez sur doritos.ca et cliquez sur français. C'est l'adresse. Voilà, et nous, on va écouter la pièce de Kamikaze que vous pouvez utiliser parmi les 10 choix qui sont présentés à vous. Les 8, en fait, il y en a 8. Vous pouvez utiliser cette pièce de Kamikaze. Ça s'appelle Rien entre les deux oreilles. On écoute ça tout de suite à Assemblage requis. Change d'histoire, pleure ou gère, la vie te frappe. J'ai de l'info sur la santé sexuelle. Colin, tu me connais mal. Donc ça, c'était Kamikaze. On rappelle le concours sur Doritos.ca pour gagner 250 000 bidous. Et voilà. Voilà. Faites une pub avec une pièce parmi les 8 proposées. Donc, comme je disais, on va parler de la santé, de la semaine de la santé affective et sexuelle parce que Simon n'arrête pas de me demander d'en parler. Ben oui, moi je veux savoir c'est quoi. Bon, ben la semaine de la santé affective et sexuelle arrive, ça commence demain, c'est du 11 au 18 février, donc c'est une période d'une semaine mais qui ne commence pas avec le début d'une semaine. Hein. L'équipe de santé et de psychologie du service aux étudiants de l'Université du Québec à Trois-Rivières vous a préparé une programmation axée sur le mieux-être. Pour avoir un équilibre de vie, ils disent qu'il faut d'abord être bien avec soi-même afin d'être heureux à deux. Oh. Cette semaine a été conçue pour cette volonté de mieux être. Ils vous proposent d'abord une conférence sur la rupture amoureuse intitulée « La rupture amoureuse, impact et enjeux psychologiques » animée par Suzanne Léveillé, la psychologue, ainsi que Julie Lefebvre, professeure, toutes deux au département de psychologie du QTA. Ça, ça a lieu demain, jeudi 11 février, de 10h30 à midi. C'est au 1085 du pavillon Ringuet. Même jour, donc demain, les organismes SIDAction et la Maison René seront présents sur le campus de 8h30 à midi. Les intervenants vous attendront à la sortie de la cafétéria du côté du pavillon Ringuet. Ils vont distribuer des baluchons en guise de remerciement suite à vos réponses écrites sur le sujet du jour. Des condons gratuits, des condons gratuits. Ça risque d'être ça, je pense. Ouais, ça ressemble à ça. Tout au long de la semaine, les 11, 12, 15 et 17 février, les étudiants auront la possibilité de rencontrer un consultant au service de psychologie. Les rencontres portent sur le sujet de la semaine, soit la vie intime, sensuelle et sexuelle. Et puis, finalement, Mme Julie Saint-Arnaud, consultante au service de psychologie, a préparé un atelier sur l'estime de soi. Il faut s'inscrire et pour ce faire, il faut aller sur assemblagerequis.com et trouver le lien qui dit « Semaine de la santé affective et sexuelle ». Vous autres, est-ce que vous avez une bonne estime de vous? Ben oui. Ben oui. Parfait. Tout à fait. C'est ça que je voulais savoir. J'en doutais, tu sais, vous dégagez tellement, mais des fois, c'est jamais. Et toi, Simon? Moi, toujours. Toujours. Ben en fait, j'ai été longtemps dans ma vie à me dire qu'il fallait pas que j'aille d'estime de moi pour performer. Ben pas pour performer dans le sens de performer, mais pour... Au lit? Non, pas, justement pas, au pas lit. Dans ce sens-là, mais il fallait pas avoir une grande estime de soi pour réussir des grandes choses dans la vie. Mais quand même, c'est bien de s'aimer. Hein? Faut s'aimer soi-même. Aime c'est... ton prochain et tu t'aimeras le prochain. Ouais, genre. Ouais, au contraire. Aime-toi et tu aimeras le prochain. C'est ça. Genre. Au lit. Hey, c'est... Hein? On ferait des bons animateurs de pastoral, je pense. À trois hey. Ensemble. Pastoral. Hey boy! Les jeunes n'apprendraient pas grand-chose avec nous autres. Leur cahier poisson, là. Ouais. Serait hey. Vide. J'en ai vu de ça au Dollarama l'autre fois. Ah. Pour pas nommer de place, là, mais en fait, c'était même pas un Dollarama. C'est un autre magasin. C'est un magasin jaune, là, tu sais, avec un animal dessus. C'est qu'ils vendent des affaires pas chères. La folie du carnaval du dollar. Non, c'est un nom d'animal géant. Ah! Ah! Le lion géant! Ben, ouais, oui, c'est ça. C'est... Il y avait des cahiers, les fameux cahiers avec les poissons. Et des très beaux chandails de loup aussi. Oui. Le linge de l'année. C'est celui qui est à mode, là. Cette année-ci, là? Ouais. 2012. Oh, j'aurais plus dit en allant là-bas en 1992, ouais, mais... Cette ouais. Madame bleue qui court partout me fait sourire à mourir. Je respire. Une boule de feu qui brûle tous les pas de danse dans ma transe zoologique. Et moi qui mange dans ton cœur, et toi qui s'assois sur ma fleur. Dans Bravo Funkin avec les animaux, une pièce très à propos pour la semaine de la santé affective et sexuelle. C'est ce que j'en ai dénoté, qu'on joue comme des animaux. C'est à peu près ça. Ouais, c'était quand même un peu douteux comme lien. C'est ce que j'en ai retiré. Mm-hmm. Tu vois comment je suis pervers. Quand même. Déplacé même. Mm-hmm. Déplacé comme les incorrigibles. Parce qu'ils sont vraiment comme vraiment épais, finalement. T'sais. Les incorrigibles, tout de suite. Nick, je ne suis pas ton père, mais j'ai quand même baisé ta mère à plusieurs reprises. Les incorrigibles! Puis ça de te suivre complètement, maintenant. Ah, tu me laisses entre les mains? Bon, ben, je pense qu'on va, ouais, on va juste retourner en musique puis on va revenir avec les incorrigibles. Ouais, OK. Ça va être mieux de même, je pense. On va écouter un bon vieux succès de Gwen Wedd. T'attends-tu? On fait ça. On écoute Périphérie oui. de Gwen Wedd. Puis on revient. Sur leur album Le Retour du Bleu Métallique. Et on revient avec Les Incorrigibles tout de suite après. Promis, là! Oui. Là, on va vraiment être prêts, là. Bon. Donc, c'était la pièce périphérie du groupe Gwen Wedd. Et là, je pense qu'on est prêt maintenant pour accueillir les incorrigibles. Nick, je ne suis pas ton père, mais j'ai quand même baisé ta mère à plusieurs reprises. Les incorrigibles! Hey, salut les gars, ça va bien? Oui. Alors avant de poursuivre, je vais vous laisser expliquer aux auditeurs ce qui se passe présentement, étant donné que vous êtes des gars de radio, vous êtes bons avec le timing, donc je vous laisse 10 secondes pour expliquer ce qui se passe actuellement. Ok, donc Pat pouvait pas être ici pour nous parler ou faire ce petit message-là qu'il vient d'enregistrer, donc le message a été enregistré au préalable parce que présentement il est dehors et on va revenir en onde directement. Ah ben oui, voilà, je suis en train d'enregistrer chez moi la semaine passée alors que vous êtes live présentement. Alors dans un premier temps les gars, j'aimerais rectifier avec vous la situation qui a eu lieu la semaine dernière, c'est-à-dire David Nolet avait fait une déclaration mensongère à mon sujet, on l'écoute. Et à vrai dire, la vraie raison pourquoi M. Laperriere n'est pas là, c'est justement par rapport à sa relation ambiguë avec les bambins, les jeunes enfants. Le tribunal a malheureusement émis un avis de jugement envers M. Laperriere qui ne peut pas être présent en présence d'enfants ni en présence de propos d'enfants. Bon, deux choses. Premièrement, il y a beaucoup trop de présence là-dedans. Et deuxièmement, dois-je rappeler à David Nolet que moi, mes blondes ont toujours eu au moins 18 ans. Bon, écoutez les gars, je comprends que la tribune que vous nous offrez n'est pas forcément pour laver notre linge sale en famille. J'aimerais quand même qu'on écoute David Nolet au sujet des jeunes enfants. Jeune bambin, il manque de punch, de fluide, de quelque chose dedans, de dire problème érectile dans nos petites zites. Les enfants sont violents de nos jours. Surtout, c'est très facile d'en avoir un exemple avec un homme dans tes fesses de plus en plus solide. Hein? Puis ne pas rester dans le placard. Voilà, ça c'est un suçon. Ça chatouille. Bonsoir, mesdames. Alors ben voilà, je pense que c'est du tout. J'espère que ça va dissuader M. Nolet de se frotter à la machine de montage que je suis. De toute façon, moi, j'étais pas ici pour ça. J'étais ici pour vous présenter, en fait, la suite de « Prends mon pot pour un cave ». Et aussi pour vous faire une grande annonce. Et pour avoir cette grande annonce, vous allez devoir m'appeler tout de suite après « Prends mon pot pour un cave ». Diplômés universitaires qui, après 25 années d'études, sont pas encore capables de se faire cuire des toasts dans le froid. Les millions de groupes complètement inutiles sur Facebook, comme par exemple Moi, je veux que Trois-Rivières se retrouvent sur le Monopoly. Les trop chers payés fonctionnaires gouvernementaux qui ont tant de personnalité qu'une bûche quand ils répondent au téléphone. Les publicités trop convaincantes de vaginite à levure sur l'heure du souper, justement quand je m'apprête à manger des fish and chips. Payer 1500$ pour aller dormir dans un hôtel de glace en faisant semblant qu'avoir une branche de sapin dans le cul, c'est le fun. Le système judiciaire québécois et ses sentences bonbons. Alors écoutez, mon cher monsieur, malgré le fait que vous ayez commis un meurtre suivi d'un viol sur votre fillette de 7 ans, vous m'avez l'air d'un brave type. Donc, je ne peux faire autrement que vous relâcher sur le champ et vous remettre dans le compte et puis je vais recommencer. Après 20 ans de métier tournant autour de la même bonne blague, le policier dégage juste pour rire et il savait de prendre sa retraite. Mais le gars, lui, qui se fait encore voir par ce policier-là, il se passe quoi dans sa tête pour devenir une victime quand il voit un flic en dépression arrivé avec un nez de clown? Hey, si je te dis que j'aime pas ça, moi, les sushis, dis-moi pas qu'on va venir m'habituer. J'ai le droit de décider si je veux ou non un coup de marde dans la bouche. Ah oui, pis si on se connaît pas pis on se croise dans une file d'attente quelconque, là. À place, ça me parlait de température. Fais d'autres aïeuls, OK? C'est bien là. On s'en contre-calisse si après la pause, ils tombent tous dans l'enfer de la drogue. Il y a juste Will Fred qui réussit à faire de quoi de pas pire avec un trip de Batman. Les hosties de restants de pouilleux des pis de bio de marde qui sont restés accrochés en 1962 alors qu'ils sont en dessous d'un punch en 92. Et pour terminer, simplement un petit message à celui qui m'a trouvé trop vulgaire dans ma première critique. J'ai jamais pensé à m'écouter, calisse! Alors voilà, on vient d'entendre la deuxième partie de « Prends mon pas pour un cave ». Et comme Pat l'avait dit dans le message préenregistré juste avant la pièce, on le rejoint maintenant en direct au téléphone parce qu'il est dehors pour réaliser son défi. Mais salut Pat. Salut, ça va bien? Oui. Bon, eh bien oui, je sais pas si tu te souviens, Kéwan, il y a deux semaines, tu m'avais lancé comme défi de me claquer les doigts dans la porte. Chose que j'ai pas faite parce que je voulais pas perdre de temps à faire une vidéo d'une semaine en train de me péter les doigts dans une porte. Par contre, je reviens cette semaine avec un défi qui est encore plus dur pour moi, qui est un défi très égoïste et que je viens de réaliser en fait, mais on n'était pas encore en onde. C'est que à partir de d'aujourd'hui, c'est-à-dire aujourd'hui, depuis il y a 5 minutes, j'ai fumé ma dernière cigarette et je ne recommencerai plus à fumer. Donc, c'est ma promesse. Ma dernière promesse que j'avais faite avant celle-là, c'est une demande en mariage qui m'a finalement chié en face. Mais bon, je vais essayer de réaliser celle-là en bonne et due forme. Ouais, ben, félicitations, un, et bon courage, deux. Hein? Il devrait pas avoir de problème. Regarde, ça va assez bien, là, parce que la dernière, là, j'ai fumé il y a 30 secondes. Je suis armé de gomme, de patch, de piqûres, de tout, là. Est-ce que t'es sûr que tu peux faire tout ça en même temps, par exemple? Pardon? Médicalement, est-ce que t'as le droit de faire ça tout en même temps? Absolument pas. Non, je déconne. Là, j'ai juste un moyen qui est de la gomme, là. Mais je vais essayer de skipper le projet. C'est-à-dire que je vais essayer de pas rester trop longtemps sur la gomme non plus. Je veux pas devenir accro à ce genre de gomme-là. Mais je vais skipper à la Sorbonne Marché tout de suite après-là. Donc là, t'es en train de nous dire qu'il y aura pas de fracture ouverte, de doigts coupés, de cris, de fillettes, rien de tout ça, là. C'est-à-dire pas pour cette semaine. Cette semaine, okay. le défi, c'est de au moins pas fumer de la semaine. En fait, le truc, c'est que je voulais rendre ça accessible au plus grand nombre de personnes possible. Je voulais me servir de cette tribune-là. Je sais que c'est très égoïste, mais je me suis dit, en le disant au plus de monde possible, je vais avoir l'air d'un cash, je recommence à fumer. Oui, c'est ça. Il y a du monde qui va. Il y a beaucoup de gens qui sont témoins de ça et qui vont pouvoir te surveiller. C'est de la pression. Oui. Jean-Gabriel, qui est en studio avec nous aussi, qui va l'encourager là-dedans. Oui, mais écoute, Pat, moi, je te félicite. C'est un vrai, vrai défi. Mais Kiwan, tu parlais de cris de fillette. Pat a déjà commencé à pleurer. Ah oui? Hier, il m'a appelé. Jean-Gab, Colin, je sais ce qui s'en vient. Je capote un peu. Ben, tu sais, il a arrêté de fumer la cigarette, mais il a commencé le crack. Bon. Ah. On peut pas tout arrêter en même temps. Là. Non, c'est ça. C'est une chose à la fois. Pat, je te souhaite bonne chance. Avec ça, tu vas être capable de te payer une maison d'ici à peu près un an. T'étais rendu à quoi? À 8 paquets de cigarettes par jour, c'est ça? Pas tout à fait, là, mais ça veut dire que je rouvre le 8e. Ouais, le soir, je rouvre le 8e. Jean-Gabriel, une petite question pour toi, puis peut-être pour Pat aussi. Vous allez pouvoir répondre en même temps ensemble. Ouais. Est-ce que tu penses que le fait d'arrêter la cigarette va aider ou va nuire à la production de votre comédie là, burlesque? Écoute, ben Pat, je vais dire quelque chose par rapport. Je pense que le seul problème qui va s'en découler, en fait, c'est que Pat risque d'avoir des problèmes d'érection. Ah. Bon, à savoir si les problèmes d'érection vont vraiment jouer dans la créativité, je pense pas. Par contre, Pat, je vais t'essayer de continuer. Pat, je sais que t'es un consommateur de cigarettes lors de création. Oui. Ben écoute, c'est là que je fume le plus. Hein. C'est quand je suis assis à l'ordinateur en train de composer une connerie. C'est là que je fume le plus. C'est là que ça va être le plus dur. Par contre, ce que je peux promettre, c'est que le « Prends-moi pas pour un cave 3 » devrait être très, très agressif. Wow! Tu vas casser des micros pendant la production. Ça va te coûter cher, des micros. Quand même. C'est ça, ben, donc félicitations encore une fois. Vraiment, c'est un très bel acte. Mais félicite-le pas. Ouais, on va attendre une semaine. Ouais, est-ce qu'on peut commencer quelque part? Mais est-ce qu'on peut faire un pool sur combien de temps ça va durer? Sur la date que ça va prendre, ouais. Est-ce que c'est le temps et tout? En même temps, c'est un peu négatif parce que c'est comme de prétendre que tu vas recommencer un jour. Non, je recommencerai pas. OK, donc ça sert à rien de faire un pool là-bas. Il a dit que c'est une promesse. OK, on va en faire un dans son dos. Non, moi, j'embarque pas là-dedans. Moi et Pat, on est pareil, lui puis moi. Okay. Pat, est-ce que tu t'es plongé encore plus dans les expressos, par exemple? Parce qu'on sait que c'est ta deuxième drogue de choix, ça, les expressos, là. Oui, ben, tu vois, c'est. Il y a là que je vais économiser aussi. Fait que je t'ai dit que. J'essaie de réduire le café. J'arrête la cigarette puis je réduis le café. Je vais me mettre. Jean-Gab m'a conseillé la tisane à la camomille. OK. Oh oui. Faut que t'aies des plaisirs dans la vie un peu. Excuse-moi. Pardon? Faut que t'aies des plaisirs dans la vie. Garde-toi-en quelques-uns. Là. Qu'est-ce qui te reste, là? La masturbation. Ah, ben là, il y a la musique. Aujourd'hui, je suis allé changer des guitares. Je suis allé vendre toutes les guitares que j'avais pour aller me chercher deux fantastiques guitares. Fait que je vais me vautrer dans la musique. Le temps que j'aurai les mains sur le manche, et ben, je ne fumerai pas. Est-ce que tu l'as fini? Ta cigarette est finie, là? Ah, ma cigarette était finie avant que vous m'appeliez. Donc, je suis un peu déçu. Y a-t-il une raison que tu n'es pas en studio avec nous en ce moment? Est-ce que tu pourrais pas te rendre en studio? Parce que ça donne pas grand-chose. Oui, je peux y aller. J'y vais maintenant. Là. C'est quand même froid dehors, en plus. Ben aussi, c'est un peu plate, il me semble. Ouais, non, mais c'est ça va dans le concept de la chose. Là. Ah, Patrick! Ah, Claque la porte. Et voilà. Quelle surprise! Okay. Tu veux raccrocher? Oh, ben non, mais assieds-toi en même temps que tu nous parles dans le téléphone. Ah, ça va faire un super bel effet, tu vas voir. Attention, là ça va faire comme transition. Attention, ok, là ferme ton téléphone. Ok. Oh, Patrick, bonjour. Ben salut. Oui. Salut, Patrick. On est tous surpris, hein? Est-ce que ça pue? Sans mes doigts? Ah, c'est. Hein? C'est quoi? C'est comme un bouquet. C'est des doigts d'ex-fumeur, ça. Qui t'a rencontré dehors? Non, c'est pas. Oui, c'est ça, j'ai déjà connu une fille qui. Enfin. Bon, c'est fini l'odeur de la cigarette. C'est là. Fini l'odeur de la cigarette. Bon, c'est la dernière fois que vous me voyez avec les donjons. Ah, par contre, il y a un truc très particulier avec Pat au niveau de la cigarette. C'est Pat, il fumait, je dis fumait là, parce que c'est bon, t'as de la il fumait énormément de cigarettes. mais dans sa maison, ça ne sentait pas du tout. Tu vois, le Febreze. Oui, le Febreze. Puis ben, c'est un peu ça qui a commencé à me déranger. C'est que il y a deux semaines, j'étais justement en train d'enregistrer, vraiment pas pour un cave. Puis je viens pour m'allumer une cigarette. Quand je suis venu pour topper, il y avait déjà trois cigarettes qui brûlaient dans le cendrier. Il était pas éteint, là. Il était en train de brûler. Donc je suis en train de fumer quatre cigarettes en même temps. J'ai dit, OK, là, c'est plus une dépendance, c'est de la maladie mentale. Puis ça commençait à sentir la cigarette quand je rentrais chez moi. J'ai dit donc, je pense que c'est le temps. Voilà. J'avais des chandails blancs, j'ai des chandails pourpres maintenant. Ouais. Oui. On m'a dit que je pouvais plus te féliciter. J'ai redit encore une fois félicitations. Mais... Non, faut attendre un peu. Ouais, mettons après six mois. Ah, bravo, Pat. Six mois. Un an. Mettons six mois après féliciter Pat. OK. Avant ça. Donne un jeton comme les alcooliques, c'est ça? Oui. Ah, bonne idée, ça. On donne un jeton. On va créer des jetons, les incorrigibles. Ouais, bonne idée. Bonne idée. On va jouer au Pog avec ça. Oui. Comme dans le temps. Oui. Tu vas avoir des bracelets en métal. Ah, il va scrapping. Oui. En passant, on est en démarche pour avoir des articles promotionnels pour les incorrigibles. Là, je suis en train de faire des démarches pour avoir des gazous. Cool. Ouais, je vais avoir des gazous stripés, les incorrigibles. On devrait avoir les cartes d'affaires la semaine prochaine. Ouais, t-shirt. Ouais. T-shirt aussi. Moi, j'aimerais ça qu'il y ait des moumoutes, les incorrigibles. Mm. Bon, mais je sais que bon, dans le domaine de la moumoute, il n'y a pas tant d'acheteurs, tout ça. Au moins, on va avoir des t-shirts. Moi, ce que je dirais, faites des masques avec vos propres faces que les gens vont pouvoir télécharger, découper, puis se mettre dans la face, puis jouer votre rôle. Ça va être bien. Ouais, mais le masque de David Nollet de 4 pieds par 4 pieds, je sais pas si pour ouais, ça, va, ça rentre pas sur une feuille. Ouais, c'est vrai. Ouais. Enfin, est-ce que j'ai pas écouté l'émission cette semaine, j'ai pas été assidu, donc est-ce qu'on a fait l'annonce pour le Moi je connais une chanson? Non, bah okay. Non, ben fais ça là. Ok, est-ce qu'on on a pas la trame, hein? Mais c'est pas grave. Oui. Ben si tu parles, ouais, parle. Je vais avoir la trame dans quelques secondes. C'est ça, c'est que les incorrigibles recrutent. Enrôlez-vous, qui disait. Oui. Oui, c'est que pour le pas le prochain vidéo, le vidéo qu'on va faire ensuite, on va avoir besoin de gens, de n'importe qui. Peu importe le niveau de scolarité, c'est pas grave. C'est qu'on va faire, on veut faire une parodie de Libdub. Déjà qu'à la base, on déteste tous les Libdub. Ah oui, dès le premier, j'ai eu le goût de gerber. Ouais, ouais. Fait que c'est ça, on va faire une parodie de Libdub sur. C'est pas grave, Mathieu, tu peux arrêter de chercher. Je pense que je vais avoir fait le tour après ça. Moi, je trouve pas du tout. Là. Ah non? C'est où tu m'as envoyé ça? Oh, c'est ça l'affaire, c'est ça le problème. Bah, c'est pas trop grave. Fait que la chanson, ça va être. Moi, je connais une chanson pour écœurer le monde. Qu'on passe un extrait, s'il vous plaît. Moi, je connais une chanson pour écœurer le monde. Moi, je connais une chanson pour écœurer le monde. Moi, je connais une chanson pour écœurer le monde. Moi, je connais une chanson pour écœurer le... Enfin, on comprend le principe. C'est, fait qu'on va se promener comme ça dans les rues de Trois-Rivières pendant 6 minutes. On va essayer d'aller aux endroits stratégiques. Oui, c'est ça. Puis, ben c'est ça, on a besoin de gens. Donc, s'il y a des intéressés, écrire à info à lesincorrigibles.tv et je devrais répondre moi ou Jean-Gab. Là. Enfin, fait que c'est ça, le plus qu'on va être. Ouais, ça vous prend combien de gens environ? Combien vous en voulez? Écoute, moi, j'aimerais ça qu'on tape le 2-3 000. Quand mais, même. Mais si on se rend à 30, 60, je vais être content satisfait. Aussi. Ouais, ouais. Okay, c'est bon. L'idée, c'est d'aller dans les points stratégiques, justement, pour déranger le monde. Fait que je pense que juste la chanson d'elle-même agosse, là. Oh, et pour l'avoir écouté là, trois fois d'affilée, je me demandais après une minute si ça faisait 5 minutes qui étaient écoulées. Donc, je pense que juste la chanson en tant que telle réussit son coup. Là. Moi, ben, moi, j'ai fait écouter à mes amis. Ben, parce que t'as pas une de mes amis, t'as une de mes collègues. Là, oui, c'est vrai. Maintenant. Oui. Puis, à partir de 2 minutes et demie, c'est unanime. 2 minutes et demie, on est tanné, on paye ce stop. C'est le seuil limite, 2 minutes ouais. et demie. Okay. Puis, elle dure 6 minutes. 6 minutes, ouais. Quand même, OK. Ouh. Donc, on s'enligne vers quelque chose de très très agressant. Oui. Puis là, vous avez pas de date là, prévue pour ça, ou déjà? Ou... Je vous dirais peut-être un mois, mais on va essayer de recruter. Ouais. Ça va dépendre si... Okay. Comme la réponse des gens. T'sais, si le monde répond tout de suite, vite, vite, vite, ben nous, on va être capable de produire le film plus rapidement. Mais sinon, on veut pas se rendre à 3-4 personnes. Là. Non, c'est ça. Un minimum d'une trentaine de personnes pour que ce soit intéressant, pour que ça crée visuellement ce que nous, on cherche. Ah, ça, c'était bien dit, ça. Oui, quand même. Hein? Ton bac en communication qui sert enfin, mon gars. Yes! Yes! Toujours pas trouvé, j'ai cherché partout. Ben, ok, c'est pas trop grave, je pense qu'on a fait le tour de la question. On va centraliser les façons que tu peux envoyer les ouais, affaires. Ouais. Bon, ben, moi, j'ai le goût de fumer, là. Ouais, ben. Je vais chercher une barre de chocolat, quelque chose. Ah oui. N'importe quoi. Ouais. Parle de ça, toi, ça va, Kiwan? Ben oui, très bien. Hey, Kiwan, t'es venu à Kino hier. Oui, oui. J'étais vraiment content. J'ai pas apporté ma moustache, par contre. Non. Je sais que ça a fait beaucoup de déceptions. Oui, oui, mais regarde, j'ai pleuré une partie de la nuit, là. Ouais. Je te le cacherai pas, là. Mais, tu sais, je veux dire, c'est pas... C'est jamais perdu complètement, là, une moustache. Non, c'est vrai. Tu sais, je regarde ici dans la pièce, il y a déjà un bon potentiel de moustache, je trouve. Je pense que oui. Je pense que oui. Tout le monde me regarde, il n'y a rien à voir. Hey, mais écoutez, les Incorrigibles, on a aussi quelque chose de nouveau en tant que groupe de trois. Vous n'aviez pas une nouvelle à nous annoncer? Oui, ouais, ben, il y avait une nouvelle. La première nouvelle, c'était Pat qui décidait d'arrêter de fumer. Maintenant, c'est chose du passé, c'est chose dit. Pat est un ex-fumeur. On n'en parlera plus, là. On va arrêter. Non, c'est ça, parce que là, je commence à avoir des tics. Ouais, c'est ça. Mais le trio des Incorrigibles sont maintenant rendus quatre. Oui, j'ai vu ça quelque part. Je ne sais plus où, par exemple, encore une fois. Sûrement sur Facebook. Sûrement là, ouais. Ouais, on est rendu avec un nouveau collègue qui s'appelle Joël Dion, qui est aussi en communication. Lui, il n'a pas terminé, par contre. Joël va pouvoir nous apporter un côté un peu plus... Un peu plus Cyrano de Bergerac, hein? Ouais, il va doubler David Nollet, mettons. Exactement, ouais, ouais. C'est ça. On est très fiers et très, très heureux d'en avoir un nouveau compagnon avec nous. Puis on va vous le présenter éventuellement dans une vidéo. Là. Vous allez voir la binette. Déjà, il est déjà dans quelques vidéos qui ont été faites là, au préalable. C'était des caméos, des apparitions spéciales, c'est ça? Ouais, un peu ça, tu sais, comme ceux qui ont vu Lunch-moi ta face. Ouais. Joël est dedans. Ah, il joue le rôle du poulet. Ouais, c'est ça. Donc voilà, le trio des Incorrigibles sont maintenant rendus quatre. C'est un trio à quatre, finalement. Ouais, c'est ça, ben oui. C'est le quatrième trio. Il n'y a pas de mot pour ça, hein, ça c'est indescriptible. Non, ben moi, on n'a pas le droit de le dire. Ben non. Ouais, c'est ça. Quoi, tu as, c'est un trademark. Oh! Ah. Pat! Gâché! C'est deux fois. La première fois, c'était avec de la ramarde. Bon. Oups! Ah. C'est échappé encore. Jeune homme. Alors, s'il te plaît, là. Hein? Ouais. Pas de ça, toi, Kiwan, ça va? C'est, on dirait que c'est comme ta phrase dépanneur. Hein, mais j'aime ça, je trouve ça drôle. Mais c'est efficace, je trouve, quand même. Là. Merci. Mm-hmm. Ben, il dirige la discussion, mais nous, on n'a pas de ricochet. Ouais. Il faudrait s'imposer. Mais je t'ai vu tantôt rentrer avec un CD. On pourrait peut-être en parler un peu. Est-ce que c'est fait? Il n'est même pas déballé. Oui, il n'est même pas déballé. Il n'est pas déballé. Déballé. Bon, mais c'est de gift. C'est comme un cadeau. Ben oui, c'est le... Pas ça, toi, Kiwan, ça va? Ouais. Donc, toujours délicat à déballer un CD. Surtout le live à la radio. Ouais. Donc, mais non, mais est-ce que quelqu'un peut nous parler de cet album-là? Ben, je pense que oui. Écoutez, ça se trouve que présentement, il y a la chanteuse de ce groupe-là qui était assise à côté de moi, Gabrielle Camiré. Elle était au courant qu'elle allait parler. Elle savait, pour vrai? Moi, je dis rien. Non, c'est pas vrai. The Gift, je savais même pas que c'était dans la pièce en ce moment. C'est un nouveau CD qui est sorti le 9 janvier au Petit Café Campus à Montréal. C'est quand même récent, là. Oui, c'est très récent. La formation récente, ça fait peut-être 7-8 mois environ. On est 5 pour l'instant. On n'a pas de bassiste. Donc, appel à tous si jamais vous connaissez un bon bassiste qui veut se joindre à une formation de rock expérimental. Whatever, c'est très bon, puis c'est ça, on a besoin d'un petit gars gentil qui veut bien jouer de la basse. Ben moi, Gab, je joue de la basse, mais c'est que j'ai eu ton drummer, fait qu'oublie ça. Oui, c'est ça, ça marche pas, Pat. Impossible, moi je taille à face un peu aussi, fait que non, c'est pas vrai. Puis c'est ça, donc formation de Montréal, on va faire un spectacle à la Sala Rosa le 12 mars, petite plug. Comme ça, un peu interdit. Mm-hmm. Parfait. On aura le temps d'en reparler, même d'ici au 12 mars. Oui, oui, c'est bien ça. On va avoir plein d'autres projets d'ici là. Mais pour l'instant, voilà, nouveau Ben. Puis, est-ce que tu pourrais nous suggérer une pièce qu'on pourrait écouter tout de suite live? Je vais vous suggérer la première pièce du CD qui s'intitule Home. C'est un peu un gros melting pot de tout le reste de l'album. Donc, je crois que... Ben, je sais pas. Je crois que c'est celle qui représente le plus... ce beau petit album-là. Bon, on va l'écouter d'abord. On va écouter ça, puis on revient avec la conclusion de l'émission après. Et on remercie les Incorrigibles. Ah! Et ma mère aussi. Comment, ta mère? On remercie ma mère. On remercie ta mère. Pour avoir fait un si beau bonhomme. Ben, qu'un! Jean-Gabriel. Non, je parlais de mon petit frère. Ça... Ah! Oui, mon petit frère est un beau bonhomme. Pas eu l'occasion encore de rencontrer. Ah non, ben, je vais l'appeler, puis il va venir à un moment donné. Cool. Take this time, take what's mine. Tu veux la représenter, la pièce? Non, tu veux pas. Tu veux dire? Tu veux... Non, mais dis-le. Ok, je te dis, dis-le. Là? Oui, là. Oui, là, là. La pièce est Home. Oui. La pièce Home de The Gift. Oui! Merci, The Gift, pour cette bonne chanson. Ça vient de l'album. Home Part 2, Satellites. Et voilà. Ouais, avec un accent anglais, Satellites. T'sais, Satellites, oui. Satellites. Satellites. Bon. Oui, en vente, oui, mais là, en vente sur iTunes. iTunes, oui. iTunes, puis à Montréal aussi, au Archambault, de Boucherville, à Exoshot à Montréal, à Québec. Le gars, il sait d'où c'est vendu. Est-ce qu'il y a un site web où les informations sont comme centralisées? Oui, sur myspace.com, / de gift QC. Toutes les informations sont là. Bon, merci voilà. Jean-Gabriel. Ah, il y a aussi sur la fan... page de Facebook de GIF. Tout le monde est déjà là-dessus en ce moment même en écoutant l'émission, sont quand même de toute façon mais sur Facebook. Sais, je donc, sais. Tapez The GIF et ça va se trouver. Ça. Yes, exact. Super. Alors merci à tout le monde. Oui, Jean-Gabriel, Pat yes, et demoiselle. Gabriel Camiré. Oui. Bien sûr, merci. Et nous, c'est la fin de l'émission. On se retrouve demain à 15h pour une autre édition d'Assemblage requis. Oui. N'est-ce pas? À demain, Mathieu. Avec vidéo à droite à question. Oui, puis la dernière porte à gauche qui s'en vient dans quelques minutes. À peine! Ouais, c'est ça. Ouais. Les anciens fumeurs, ça avait des petits... les bâtonnets de pepperoni. Ah, j'ai eu ça, les Meat Sticks. Ah, bon. Jean-Gab, c'est un amateur. Ah oui, hey, du beef jerky, là, moi, là, sous toutes les formes, le beef jerky, ça me fait ma journée. L'extra piquant, surtout. Mais je sais pas c'est quoi la pire haleine, c'est celle de beef jerky ou de cigarette, par exemple. Ah! C'est... Ouais. Vu le même. Ouais. J'aime ça pareil. Hey, bonne nuit. Parle ça, toi, Kiwan, ça va? Oui. Ouais. Très bien. Donc, je vais essayer de te défoncer le plus possible dans ton émission. À demain. Salut. Bye. Parle ça, toi. Non? Trouves-tu que c'était pas pire? Je veux dire, le nombre de fois, j'ai-tu fait trop de fois? Je trouve, comme de quatre fois. De quoi tu parles? C'est ambigu. Parce que tu as dit, je vais essayer de te défoncer plus de fois, je l'ai-tu fait trop de fois? Non. Je comprends plus rien. C'est-tu trop? La dernière porte, dans à peu près 3 minutes. 2 minutes 22 plus le temps qu'on passe là à parler et à dire rien du tout. C'est bon. Attends-toi. Attends-toi. Bye, Pat. Salut. T'as oublié ton nez de clown cette semaine. C'est vrai. Mais c'est vrai. Pas de nez de clown. Moi, il porte juste à notre place. Si t'amènes pas ton nez de clown, tu fais pas l'émission.